Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la 8e émission du podcast Auto. Au micro, Luc Desormeaux, et avec moi ce soir, on a comme d'habitude Jean-François Beaulieu. Bonjour. Salut Jean-François. Et notre bouche-trou officiel quand M. Dégary ne peut pas être sur place, j'ai nommé Jean-Benoît Gagné. Salut Jean-Benoît. Salut tout le monde. J'aime beaucoup parce que je l'ai annoncé sur Twitter un petit peu plus tôt. Et il y a Pat Silverwolf que je salue qui a dit que j'étais le spare du show. Ouais. Je suis la roue de secours du show. J'aime ça pour la thématique automobile. Salut tout le monde. Ça sonne quand même pas super. Roue de secours, c'est pas mal ça pour tout de suite. Alors, merci de venir remplacer à brûle pour point notre ami Steve Dégary qui a un autre engagement ce soir. Je peux pas vraiment le blâmer. Il y a une espèce de petit gala à Télétoon, puis dont sa blonde, qui est, ceux qui ne savent pas, Lynn Boutillette, qui est chroniqueuse à Monsieur Net, faisait partie. Donc, fallait qu'il soit disponible pour ça. Donc, il a dû canceller à la dernière minute. Et à la dernière minute, comme un bon joueur qui réchauffe le banc habituellement, Jean-Benoît est venu le remplacer, ou comme un pneu de secours qui attend dans la valise qu'un des quatre principaux explose à un moment donné. Ah oui, tu me bottes en place, moi je suis prêt à rouler, il n'y a pas de trouble. Mais à rouler au Québec, les pneus de secours sont souvent utilisés, fait que c'est quand même pas si pire que ça. Oui, quand même. Fait qu'être un pneu de secours, il vaut mieux être un pneu de secours au Québec qu'un pneu de secours en Californie, tu vas être plus utilisé. Ouais, voilà. Avec nos super nids de poule. Non, mais Steve, parce qu'il est habillé propre d'un gars-là. Sinon, j'aurais dit non, là. Mais là, ça valait la peine. Steve, habillé propre, tu sais. Ah, c'est rare, ça. C'est vraiment quelque chose à voir. Il avait rien qu'à être là pour se défendre. C'est ça. Il avait juste à être là pour se défendre. T'es pas là. C'est comme on dit, c'est fair game de te taper dessus. Ah, les options ont toujours tort. C'est à peu près ça, oui. Donc, messieurs, on va parler un petit peu de l'actualité automobile. GM, on va commencer avec GM, qui a finalement, après quelques années d'absence, présenté une nouvelle berline haute performance, donc une belle voiture 4 portes qui va remplacer la Pontiac G8 qui a été passée finalement dans le tordeur quand GM a décidé d'annuler la compagnie Pontiac, juste de se débarrasser de Pontiac. Ils se sont débarrassés aussi de Saab et Saturn dans ce temps-là, et de Hummer. Mais Hummer, c'était pas le plus gros vendeur chez GM, même si c'est un camion qui était quand même assez populaire. Donc, GM qui a décidé de sortir une nouvelle version d'une berline de haute performance pour compétitionner avec certaines voitures, peut-être les BMW de plus basse classe, là, un peu moins cher. C'est quelque chose que moi j'attendais depuis un bon bout de temps. Si vous écoutez les chroniques que je fais avec le dit Jean-Benoît ou le dit pneu de secours, les jeudis matins à CLEMF, on en parlait, ça fait quelques fois qu'on en parle. C'est une voiture que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'étais un grand fan de la Pontiac G8. Je trouvais que c'est vraiment quelque chose que GM avait fait un bon travail dessus, et pour le design et pour surtout le design extérieur. L'intérieur était un peu ordinaire, là. Déjà, quand ça a sorti en 2009, je trouvais que c'était un peu passé date. Mais pour le restant, la voiture, les moteurs qu'il y avait disponible, un V6 ou un gros 8 cylindres pour la version GT, il avait sorti une version GXP avec un moteur 8 cylindres puis une transmission manuelle à 6 rapports. C'était vraiment presque un char de course à 4 portes. C'était fait pour compétitionner avec les Dodge Charger de ce monde-là. Finalement, comme on dit, ça a pris un peu le champ pour utiliser un terme automobile quand Pontiac a été scrappé. Un autre terme automobile. Quand tu vas dans le champ, souvent t'es dans la thématique, Luc. Ouais, on essaye. T'es dans verbe ce soir. On essaye. Et puis, c'était quelque chose qui manquait. C'était quelque chose que les fans de GM et de fans de voitures automobiles, berlines un peu de luxe cherchaient. Et puis, c'est fait. Bon, c'est sûr que c'est une voiture qui c'est pas nécessairement fait par GM. Ça a été fait par leur filiale australienne qui s'appelle Holden. Il y a beaucoup de voitures, la G8 était bâtie là. Dans les années passées, ceux qui se rappellent, la Chevrolet Lumina, c'est aussi une voiture qui venait de chez Holden. La Lumina qui existe toujours en Europe, c'est une voiture qui se vend toujours ailleurs qu'au Canada et aux États-Unis. le même nom, c'est une voiture en copropulsion et tout ça. La Chevrolet SS fait pas, est pas différente de ça. Elle est bâtie sur la même plateforme que la Chevrolet Camaro. C'est la plateforme qu'ils appellent la plateforme Zeta. C'est une plateforme qui est assez versatile. On peut faire plusieurs choses avec. Donc, c'est une quatre portes. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus agressif, par exemple. Je m'attendais à un look un peu moins tranquille. J'aurais aimé avoir un peu le oomph que la G8 avait, c'est-à-dire un look agressif. La G8, quand on la regardait, ça avait l'air d'une bébite qui allait te mordre, là. Tandis que la SS, je la regarde, c'est beau. C'est vraiment une belle voiture. Les lignes sont belles. Quand on la regarde de côté, il y a des espèces de petites prises d'air. Mais tranquille, Mais c'est hein? ça, il y a un échappement double en arrière, mais il me semble. Moi, j'aurais aimé avoir des trappes d'air sur le capot comme la G8 avait. Juste faire un clin d'œil à la dernière version d'une berline à propulsion, parce que ce n'est pas une traction avant, ça va être une propulsion. C'est les roues arrière qui poussent, un peu comme une Camaro ou une Mustang. Je m'attendais à quelque chose juste un peu plus agressif. C'est sûr que quand elle monte en juste argenté, c'est pas une couleur qui frappe. C'est sûr que ça a l'air d'une voiture un peu plus tranquille. Peut-être s'il avait sorti dans un orange, genre auto de course, ou un jaune, ou avec, tu sais, je sais pas, plus un look d'auto de course, peut-être ça aurait été un peu mieux. Mais je veux dire, je sais pas. Je trouve qu'elle a l'air tranquille, mais c'est pas une voiture qui est laide. Elle est excessivement jolie. Les lignes sont belles, mais c'est juste un peu tranquille. J'aurais aimé Ouais, ça que ça ça. reflète pas l'esprit sportif de la motorisation qui est à l'intérieur du capot. C'est ça, mais des fois c'est pas méchant. Dans le monde de l'automobile, on appelle ça un sleeper. Fait, t'arrives à une lumière, ceux qui font ça, puis tu vois la petite berline, la berline quatre portes à côté, puis le gars il est là avec sa Camaro ou sa Mustang V6, t'sais, puis il dit, le gars check la berline, puis la berline elle te laisse dans la poussière. Fait que c'est ça, c'est quelque chose qui pourrait. Ça pourrait se faire. Surtout que GM a l'air à annoncer qu'elle va pouvoir faire le 0-100 en bas. On parle de 0-100 en bas de 5 secondes ou quelque chose comme ça. Non, j'ai pas les chiffres. Il me semble que j'avais les chiffres cette semaine. Ah, c'est ça, à peu près 5 secondes pour faire le 0-100. Fait Quand que même. ça, pour une berline quatre portes, là, je veux dire, c'est quand même pas pire. Mais c'est ça, la SS qui va être pas mal la voiture phare pour GM, c'est la voiture qu'ils vont amener en NASCAR aussi. C'est elle qui remplace, c'est-tu la Impala? Oui, c'est l'impala, oui. En NASCAR, même si C'est la ça, oui. Impala ressort pour 2014, ils font un nouveau modèle. Modèle qui est quand même aussi assez joli. Je veux dire, GM ont des beaux designs. Ces temps-ci, ils ont vraiment des belles voitures. Ce qu'ils refont avec la voiture, c'est quand même bien. Je sais qu'il y a des gens qui critiquent un peu que les lumières Camaro sont à la mode, puis qu'on dirait qu'ils s'en vont toutes vers ça, pour les feux arrière. Mais je veux dire, c'est un style, c'est un design. Puis il faut accepter faut que les voitures se ressemblent un peu pour que quand on la voit, on peut dire ah oui, ça c'est une GM, tu sais. Ouais, pour qu'il y ait une continuité. Là. C'est ça, c'est un peu comme Ford qui est en train de refaire toutes ses voitures avec la Calandre, un peu comme la nouvelle Fusion. C'est pour donner un style, c'est pour donner une homogénéité à la gamme de voitures. C'est correct. Donc, c'est ça. La SS qui va se vendre quand même assez cher, là, d'après moi, on s'en sauvera pas en bas de 40 quelques mille dollars, là. Ça sera pas une voiture qui va être donnée, mais je veux dire, elle est supposée venir seulement avec un V8. Il y aura probablement pas de V6. En tout cas, c'est pas annoncé qu'il va y avoir un V6. Sur le côté Holden, donc en Australie, elle se vend comme la Holden Commodore. Puis la Commodore, elle a je pense que c'est deux V6 puis un V8 de disponible. Mais GM a décidé que ça serait une voiture seulement à V8. C'est quand même un V8 de 6,2 litres qui donne 415 chevaux avec une transmission automatique à 6 vitesses, puis il y a des palettes de changement de vitesse au volant. Ouais, moi, ce qui me fait capoter avec cette voiture-là, c'est que c'est le genre de char que je verrais avec une boule en arrière, mais qui fait le 0-100 en 5 secondes. Tu sais, ça cadre tellement pas, là, performance versus look, hein, mais c'est un avantage, la police, elle te regarde un peu moins aller. C'est ça, T'es moins checké. t'es moins checké que si t'arrives à une lumière rouge avec une Camaro, une Mustang ou tu sais, un auto connue pour être de performance. T'sais. Mais bon, c'est ça. Moi, comme je disais, elle est jolie. Je la trouve juste un peu tranquille. J'aurais peut-être aimé ça un peu plus de oomph. Prise d'air sur le capot, ça donne toujours un. T'sais, c'est sûr, faut pas que ça soit non plus cheap. Là. Faut pas que ça ait l'air rajouté. Là. Comme la Grand Dame, j'ai vu passer sur l'autoroute après-midi avec une espèce de trappe d'air collée sur le capot, le char était rouge, puis la trappe d'air était collée dessus. C'était genre faux fibre de carbone noir acheté chez Canadian Tire. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des limites, là. Mais des belles prises d'air comme il y avait sur la G8, c'était pas des prises d'air qui sortaient du capot, c'était qu'ils allaient comme vers l'intérieur. C'était vraiment joli, ça donnait un look agressif. J'aurais aimé ça. Peut-être que ça se fera dans un autre modèle. Est-ce qu'ils vont sortir un autre modèle de la SS, un modèle un peu plus punché? T'sais, là, on a le V8 de 6,2 litres. Ils vont-tu mettre un turbo dedans, un supercharger, t'sais, un compresseur volumétrique, donner 500, 550 chevaux à une version? Je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Le seul problème, c'est que normalement, les lettres SS, qui veut dire super sport, ces voitures, normalement, c'est une version d'une auto, comme la Camaro SS. C'est la plus haute gamme des Camaros. C'est la Camaro avec le V8 dedans. Puis, il y avait dans le temps la Cobalt SS, qui était une Cobalt avec un turbocompresseur, qui était une petite voiture de course. C'était assez incroyable. Les critiques sont super bonnes sur cette auto-là parce que c'était une bonne voiture. Puis, c'était supposément assez le fun à conduire parce que c'était puissant en plus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ne peuvent pas faire une Chevrolet SS-SS. Qu'est-ce qu'ils vont faire, t'sais? S'ils font une deuxième version, une SS Plus ou je sais pas trop, faudrait qu'ils sortent une version avec peut-être un turbo dedans, puis donner un 550 chevaux, là, puis aileron, puis t'sais, vraiment quelque chose avec du punch pour compétitionner avec des BMW peut-être de plus haut calibre. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils ont quand même, d'après moi, une voiture gagnante. C'est sûr, certains, c'est pas une voiture que vous allez voir à tous les coins de rue, là. Non, C'est pas une voiture de masse, là. C'est une voiture non. niche. Mais tu la verras surtout pas du côté de l'Israël. De ce que j'ai pu lire à cause des lettres SS, là-bas c'est des Juifs, hein, beaucoup. Et les SS, c'était bien sûr la police militaire d'Hitler. Ça passera pas. C'est Non, ce que j'ai pu lire dans oh, l'article. ouais. Voilà qu'on appelle Super Sports le véhicule et non pas SS parce que les autres, ça passera pas là-bas. Non, mais probablement qu'au pire, ils vont changer le nom. Les compagnies sont habituées de changer le nom dépendant des marchés. La Ford Fusion, c'est la Ford Mondeo en Europe. Elle s'appelle pas la Fusion. Fait que, dépendant, le Ford Escape, c'est le Ford Kuga en Europe. Ils changent les noms dépendant des marchés aussi. Là. Fait que j'imagine que là-bas, le nom va peut-être être changé pour d'autres choses. En Europe, elle va peut-être s'appeler quelque chose d'autre. Ça va rester à voir. Mais c'est une petite voiture. C'est une petite voiture. C'est quand même une grosse voiture intéressante. Comme je disais, vous allez en voir un peu sur la route. Là. Ça va être un peu comme les G8. T'en voyais une de temps en temps, mais c'est pas comme une Mazda 3. T'sais. Parce J'aimerais que. bien essayer ça, moi. Oui, non, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir quand ça va sortir. Je pense que c'est prévu pour la fin de l'année. OK. Je ne penserais pas qu'on va voir ça tôt cet été, là. Mais ça serait intéressant. Comme je disais, c'est un modèle que moi j'attendais juste par passion, par être tripeux d'auto. Fait que c'est sûr que ça serait le fun à essayer, là. Une berline avec la puissance comme ça, là. Ça doit être assez spécial à conduire. Surtout qu'il doit avoir travaillé assez fort pour que ça puisse suivre sur une piste ou ça puisse être confortable sur la route, là. Je serais intéressé à essayer ça. Si on regarde ailleurs, j'ai trouvé une belle petite photo sur les internets, comme on dit. C'est la Sion FRS. Ceux qui connaissent la Sion FRS, c'est une petite voiture sport. C'est le renouveau chez Toyota ou Sion et même Subaru, ceux qui connaissent la Subaru BRZ, c'est le renouveau de la voiture sport à propulsion. Quelque chose qui manquait vraiment cruellement chez Toyota, c'est une petite voiture sport. Depuis que Toyota a cancellé ou s'est débarrassé de la Celica, puis s'est débarrassé de la Supra, il n'y avait plus vraiment grand-chose pour titiller les amateurs de voitures sport. Chez ce constructeur-là. Ils ont sorti l'année passée la FRS. Bon, c'est un travail conjoint entre Toyota et Subaru. Subaru a sa BRZ. Toyota, en Europe, a ce qu'ils appellent la FT86, GT86. Puis, ici en Amérique, ben, pour remonter un peu le blason de Sion qui se vend assez chez les jeunes, mais ça prenait quelque chose avec un peu plus de piquant. On a décidé de la mettre sous la bannière Sion. Donc ici, c'est la Sion FRS. Ça a connu assez de succès. La voiture a été beaucoup, beaucoup aimée par les critiques automobiles. Beaucoup de gens trouvent que ça se conduit vraiment comme une voiture sport. C'est une voiture pour conducteur. C'est une voiture que vous allez avoir beaucoup de plaisir à conduire. C'est pas une voiture qui va peut-être être un peu plus difficile. C'est vraiment, faut être capable de la contrôler. C'est-à-dire que si vous allez vraiment rapidement, le derrière a peut-être tendance à partir un peu, mais est très facile à ramener. C'est vraiment une voiture que les gens qui aiment pousser la mécanique vont vraiment adorer. Même Jay Leno, ceux qui écoutent peut-être la TV américaine, il y a Jay Leno, il y a son émission qui s'appelle Jay Leno's Garage. Il y a du stock incroyable là-dedans. Le monsieur a une Bugatti Veyron. Ouais, c'est clair. Et Aïe, aïe. des chars de collection a pu finir. Puis il a essayé la Sion FRS, puis il l'a beaucoup aimé. Donc, c'est une voiture qui a vraiment. Une chose est sûre, elle look pas à peu près, là. Ouais. Puis en Wow. plus, c'est vraiment bien balancé. C'est vraiment incroyable le travail que Sion, ben, Toyota puis Subaru ont fait avec cette voiture-là. Là, les rumeurs qui sortent, et même il y a une photo qui a été prise à quelque part en Afrique d'une version convertible de cette voiture-là. Donc, un petit coupé deux places. Ben, c'est un 2 plus 2. Mais c'est vraiment deux adultes en avant et deux enfants en arrière, là. Je penserais pas qu'asseoir vos amis en arrière soit nécessairement une bonne idée. C'est très, très, très petit comme espace arrière, mais pour des enfants, ça pourrait faire le travail. Donc, une version convertible de cette voiture-là, les rumeurs, ça fait quelques années, pas quelques années, mais ça fait, t'sais, après la sortie de la voiture originale, les rumeurs ont commencé à sortir en disant il devrait avoir une version convertible de cette voiture-là. Et puis, on dirait que Toyota a écouté. Puis la version convertible a été faite, en train de tester peut-être. On va peut-être voir quelque chose au salon de Tokyo. Je me dirais si ça a à sortir à quelque part. Elle sera peut-être au salon de Tokyo. Tokyo qui est le gros salon du Japon là, qui se passe pas mal à la fin de l'année. Donc j'imagine que peut-être on va pouvoir voir une version de la convertible là. Ça pourrait faire une vraie belle voiture en tant que convertible là. J'aimerais vraiment voir ça là. En tout cas, ils n'ont pas raté le coup en termes de design. Là. Elle est vraiment très, très jolie. Oui, c'est vraiment sexy comme voiture, là. Sinon, ça a de la gueule. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens qui aiment Subaru peuvent aller la chercher sur le côté Subaru. Elle est un peu plus chère à l'achat, mais elle vient vraiment tout équipée avec la navigation et tout ça. Et c'est la seule voiture chez Subaru qui n'est pas traction intégrale. C'est une propulsion. Puis chez Toyota, on peut l'avoir plus de base, puis rajouter des options, puis la mettre un peu à notre goût. Donc, il y a comme les deux côtés de la médaille. Vous pouvez voir, il y en a qui préfèrent la Subaru, il y en a qui préfèrent la FRS. Moi, je trouve les deux sont vraiment belles. Pour avoir vu une BRZ quand j'étais allé chercher une voiture de test l'an passé, une voiture Ford là, de test, les voitures sont à la même place pour la flotte de presse. Était bleu Subaru en plus, là, ça flashait, était vraiment, vraiment, vraiment belle. Puis pour avoir vu la Sion au salon de l'auto de Montréal, puis je me suis assis dans la BRZ à Détroit. C'est vraiment une voiture. On est vraiment dans l'impression d'être dans une voiture sport. C'est sûr, c'est 200 chevaux. Il y a du monde qui disent que c'est pas hyper puissant, mais c'est tellement le plaisir de conduire qu'on se fout un peu de pas avoir de la puissance à plus finir, là. Ah, puis le prix est abordable, là, 26 300 de base, là, si tu payes comptant, pas de versement, là, mettons que tu fais un cash down direct là, de ce prix-là, tu pars avec le genre, là, est très, très abordable là, pour une voiture qui look autant puis qui nous amène un plaisir de conduire qu'on nous dit qu'elle offre, sincèrement, est très, très abordable. Ouais, c'est confirmé le plaisir de conduire. Il y a tellement de magazines automobiles qui l'ont essayé. puis qui disent que c'est une voiture qui est vraiment plaisante à conduire, là. Fait que si vous cherchez une petite voiture sport, mettez-la pas de côté. Allez la voir soit chez Toyota, soit chez Subaru, dépendant quel vous préférez, là. Mais vous allez voir, vous allez sûrement tomber en amour parce que, comme Jean-Benoît dit, c'est... Alors, moi, je la regarde, puis j'en veux une. Elle te fait des clins Ah d'œil. ouais, Elle te fait des elle me fait des clins clins d'œil, puis j'ai la misère à résister, là. d'œil. Ouais, non, c'est vraiment magnifique comme voiture. On a aussi su que, bon, à Genève, Alfa Romeo va amener une version... La version finale de la petite 4C, on en parlait justement dans une chronique la semaine passée, si je me rappelle bien, une chronique le matin. C'est Fiat qui fait ça, pas Fiat, Alfa Romeo, ça appartient à Fiat et à Alfa Chrysler. Rococo, là, qu'on avait Alfa dit. Rococo que tu avais dit, c'est ça. Il va sortir la 4C. Ça va être une voiture qui va être assez magnifique. Il y a des chiffres qui sont sortis cette semaine qui disaient que la voiture aurait un maximum de production de 2 500 voitures pour l'année. Donc, il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient faits dans une année. Il y en aurait 1 000 unités qui seraient disponibles pour la. Ben, c'est marqué pour les États-Unis. Je ne sais pas si c'est États-Unis et Canada ensemble. Elle va être bâtie. Dans l'usine de Maserati à Modena. Donc, je me demande un peu combien est-ce qu'il va en avoir de disponible au Canada. C'est sûr, le prix va être assez élevé. On parle de probablement entre 65 et 80 000 $ là, selon les rumeurs. Et selon ce qui est sorti aujourd'hui, Chrysler aurait dit que ça va être disponible seulement dans certains concessionnaires Fiat. Et quand on dit certains, c'est les concessionnaires Fiat qui vendent beaucoup et puis qui atteignent leur quota ou leurs objectifs de service à la clientèle. Donc, j'imagine les meilleurs concessionnaires, les concessionnaires recommandés par les clients, puis les concessionnaires qui vendent aussi pas mal de Fiat. On devrait être chanceux parce qu'au Québec, la Fiat 500 se vend très bien. Si vous restez dans la région de Montréal, il y en a beaucoup. Moi, je vois beaucoup de Fiat 500 sur la route. Quand ça a sorti, j'en voyais presque pas. Je trouvais ça un peu décevant de ne pas en voir plus que ça. Puis, plus ça va, plus j'en vois. Je pense si aujourd'hui, là, maintenant, j'en vois pas 3-4 par jour, c'est j'en vois pas là. Puis il y a J'en ai même. même une dans mon coin et Dieu seul sait comment est-ce qu'on n'est pas des early adapters dans notre coin. Hein. C'est ça. Non, c'est une voiture qui est super jolie. Je veux Ah, dire. elle a un beau petit look. T'sais, Je c'est peux comprendre ça. pourquoi les gens tombent en amour. Ça fait différent. C'est un peu comme la PT Cruiser dans le temps. Mais la PT Cruiser, moi, j'en ai eu une PT Cruiser convertible. J'étais un grand fan de la PT Cruiser convertible. Je trouvais que c'était en modèle convertible, cette auto-là était sexy. Ça donnait un look vraiment joli. C'était vraiment superbe. Puis nous autres, on se magasinait une convertible à un moment donné, puis on regardait les prix puis tout ça. Puis quand on a vu la PT Cruiser convertible, on est juste comme tombé en amour avec. Puis à côté, il y avait une PT Cruiser régulière. Puis je l'ai regardé, puis j'ai regardé le vendeur. J'ai dit, t'es-tu sûr que c'est le même char? Parce que la version à valise, je la trouvais atroce. Je regardais ça, j'aimais pas la manière que la valise était coupée, la manière que ça finissait, le toit, les portes. Je trouvais que ça accrochait. Puis là, je me revirais de côté, puis juste à côté, il y avait le convertible, puis c'était comme entendre l'espèce de ah, tu sais, des anges, puis tu revirais de bord, puis c'était comme ah, je peux pas croire que c'est dans la même famille, tu sais. Mais fait que la Fiat 500 me rappelle un peu le look sexy. De la PT Cruiser convertible, mais même celle qui n'est pas convertible, je veux dire, tu regardes, puis c'est cute, c'est une petite auto qui est super belle, puis la convertible, elle, je veux dire, c'est super le fun, c'est juste comme une toile qui descend, il n'y a pas de problème qu'on a avec les convertibles régulières, les fenêtres, il n'y a pas de cadre de porte dans une convertible, alentour de la fenêtre, fait que Là, l'hiver. il y en a une, là, par Ouais, c'est contre. ça. Fait que la Fiat, au moins, elle a ça. Fait que pour l'hiver, là, si vous cherchez une convertible au Québec, là, puis vous décidez de la rouler l'hiver, là, la Fiat 500, c'est comme pas mal le meilleur choix. Parce que vu qu'il y a son cadre de porte, la fenêtre, elle ne gèle pas en position. Puis même si elle gèle en position, on s'en fout un peu. Le plus gros problème que j'ai eu avec ma Mustang que je roulais l'hiver, puis la PT Cruiser que j'ai roulée aussi l'hiver, c'est que la fenêtre gèle en place. La fenêtre, elle ne descend plus l'hiver quand il fait trop froid. Puis quand tu rouvres la porte d'une convertible, ben la fenêtre, elle descend. Quand elle referme, elle remonte, puis elle vient s'accoter contre le toit, puis ça ferme la porte comme ça fait le terme anglais, ça fait le seal de la porte. C'est ça qui fait qu'on n'entend pas de bruit de vent, puis que l'eau rentre pas, rien. Quand la fenêtre, elle descend pas, tu tires sur ta porte pour ouvrir pour l'ouvrir, puis la fenêtre, elle penche par en dedans parce qu'à force, puis là, elle sort, puis là, elle revient droite. Puis quand tu refermes la porte pour partir, elle ressort vers l'extérieur. Puis tout le long que tu conduis, tu entends une espèce de sifflement fatigant parce que la fenêtre n'est pas fermée comme il faut. Elle est en train de forcer sur le bord du toit vers l'extérieur. Fait que c'est le problème des voitures convertibles au Québec, c'est qu'il fait tellement froid ici que le mécanisme de la porte, de la fenêtre ne marche plus. Puis on force la fenêtre tout le temps à chaque fois qu'on rouvre puis qu'on ferme. C'est ça qui est un peu plate. C'est sûr que vous conduisez 10 minutes. Elle n'aura jamais le temps de dégeler. Moi, je conduisais 45 minutes pour me rendre au travail. À un moment donné, pendant mon trajet, j'étais capable de descendre la fenêtre, puis de la rouvrir, de la refermer. Puis là, j'étais correct. J'avais mais des journées à moins 40, là, c'était pas tellement agréable. Fait que c'est pour ça que je vous dis la Fiat 500. On parlait même pas de ça au début, là. Mais la Fiat 500 convertible, c'est au Québec, c'est une des meilleures convertibles que vous pouvez vous acheter parce que je veux dire, elle est faite comme une voiture normale. C'est juste la toile sur le toit qui s'enlève, qui descend complètement en arrière. Ça vous fait une belle convertible. L'hiver, vous gardez ça fermé. Ça vous fait presque un toit régulier. C'est merveilleux. Puis la nouvelle Fiat 500 Abarth convertible, là, je l'ai vue au Salon de l'Auto de Montréal. Là, puis sexy. C'est vraiment beau. Ça a du punch aussi, le petit moteur avec le turbo, là. La version Abarth, c'est de la Fiat 500, c'est un peu le gros, là. Prenez pas ça exactement, là, mais c'est un peu la Shelby de la Fiat 500. C'est le modèle de performance. Ouais, c'est avec le oomph dedans, là. C'est ça, avec le oomph, là. C'est un moteur turbo compressé, là. C'est une petite bombe, là. Si vous avez Vidéotron, regardez sur Illico pour une émission du guide de l'auto. Il y a Marc Lachapelle qui a essayé la Abarth sur une piste, puis il l'a aimé. Puis c'est le genre d'auto que tu t'attends à ce que les vrais grands critiques automobiles qui ont essayé plein d'affaires disent, tu sais, oh, c'est le fun, tu sais, mais c'est pas plus que ça, tu sais. Mais il finit sa chronique en disant, bon, ben moi, je vais y retourner, tu sais, parce qu'il l'a aimé, c'est une petite bombe, je veux dire. Puis en plus, elle est super belle, puis la version convertible, la Abarth, là, au salon de l'auto, elle me faisait de l'œil. Mais, tu sais, à un moment donné, ça, puis la Sion FRS, puis tu sais, c'est ça l'automobile, là, c'est tellement des coups de cœur. Ouais, c'est ça, ça fait mal. puis malheureusement, j'ai pas le budget qui va avec, tu sais. Faut que je me contente. Mais c'est des voitures vraiment, vraiment jolies. Donc, si on revient à l'Alfa Romeo 4C, ça sera pas une voiture que tout le monde va pouvoir s'acheter. Si il y en a peut-être 5, 6 au Québec, ça va peut-être être le maximum qu'on va avoir. S'il y en a 1 000 aux États-Unis, il va peut-être en avoir 100 pour le Canada, 200 pour le Canada. C'est sûr qu'on est un bon marché pour Fiat. La Fiat 500, comme je disais, elle se vend très bien ici. Peut-être qu'on va être capable d'en avoir plus, mais ça ne sera pas une voiture que vous allez avoir à tous les coins de rue parce qu'elle va être chère. Mais est vraiment belle. Ils ont vraiment fait un superbe travail sur cette voiture-là, là. Allez voir ça, Alfa Romeo 4C, puis vous allez voir que c'est assez joli. Elle aussi, elle m'a fait un petit clin d'œil, même si malheureusement, j'ai pas réussi à la voir en vrai parce qu'elle n'a pas été, montrée. Je l'ai pas vue au Salon de Détroit, mais le Salon de Détroit, j'ai tellement pas eu le temps de visiter tout ce que j'aurais voulu visiter que Écoute, Luc, elle était peut-être là, puis je l'ai manqué. Elle t'a peut-être bien fait de l'œil, là, mais on dit qu'on en fabrique 2000 unités cette année, seulement 300 qui vont traverser pour se rendre en Amérique. Fait que Pas bonne 300, 1000, chance. 1000. Fait qu'il va avoir quand même Ben, je me fie à un presque la article moitié. d'il y a 2 jours de sur la presse. Peut-être ça a Ah, changé, là, les. OK. Ben, la presse a peut-être des meilleurs chiffres que le site que j'étais dessus aussi. OK. Il est peut-être plus récent, peut-être que les chiffres ont changé aussi. Mais tu sais, de toute façon, on s'entend que c'est un chiffre qui est assez minime, là. Donc, même si ça te fait de l'œil, tu seras un des nombreux qui ne sera pas satisfait en ne l'ayant pas. Ah, oh, ben c'est sûr, mais c'est un début. Ils vont voir comment ça va se vendre. Puis après ça, si ça se vend bien, ça veut pas dire qu'ils n'en feront pas plus pour les autres années. Ça va être à voir. Donc, ça, ce qu'on parlait aussi ce matin, puis je vais finir le petit tour du monde de l'automobile pour cette semaine avec ça, là. Volkswagen qui va se lancer dans la voiture électrique. Volkswagen qui avait l'air d'être réticent dans les dernières années. Si je me rappelle bien, je ne me rappelle pas si c'est eux qui avaient dit que l'hybride puis l'électrique, ils ne croyaient pas vraiment à ça. Mais bon, ils ont décidé de se lancer là-dedans. Toutes les compagnies vont se lancer dans les voitures électriques pour plusieurs raisons. Un, les gens en demandent. Les gens veulent avoir des voitures qui ne coûteront pas une fortune à rouler. Puis avec le prix du gaz qui n'arrête pas de monter, on est presque rendu à 1,50 dans le coin de Montréal, 1,47, 1,49 là. Avec le gaz à 1,50, à un moment donné, le monde va vouloir se trouver des moyens alternatifs de voyager, puis peut-être quelque chose hybride ou totalement électrique. L'hybride est quand même, c'est pas parfait pour pas payer de gaz, mais c'est quand même mieux qu'une voiture qui roule totalement à l'essence. Avec aussi ce que le gouvernement a annoncé, c'est-tu la semaine passée, qu'ils veulent vraiment électrifier le réseau routier québécois, les transports au Québec. Hey J'ai. Luc, Oui. avant que tu continues, je pense que l'occasion est belle de mentionner peut-être ton prochain invité. Ouais, ben on peut, Hein? ouais, je vais Un finir, glisser puis mot? je vais finir sur la ligne de pensée, ce que je m'en allais quand OK. tu m'as enfargé. Puis Excusez, t'as rien qu'à pas puis m'inviter, hein? oui, c'est une bonne idée. J'aurais peut-être oublié de le faire plus tard. Donc, c'est ça, le gouvernement qui a dit qu'il voulait électrifier le transport au Québec. Donc, il aimerait avoir plus de peut-être camions électriques, plus de trains qui marchent à l'électricité. Et j'imagine, ça veut dire aussi plus de voitures électriques sur le marché. Puis c'est drôle, j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai envoyé un tweet au compte du Parti québécois en disant, ben c'est bien beau vouloir électrifier les transports, mais faut pas oublier qu'à la fin de l'année 2013, vous coupez 3 000 $ sur les rabais sur les voitures électriques. Donc, le rabais maximum qui est présentement 8 000 va tomber à 5 000 l'année prochaine. Ça serait peut-être une idée de rallonger le 8 000 pour peut-être un autre 2, 3 ans parce que le monde commence à être intéressé. Ouais. T'sais, ça fait pas longtemps, ça fait quand même t'sais, un bout de temps que l'auto électrique, on en parle puis tout ça, mais là, ça commence à se démocratiser un peu. Je veux dire, il y a Nissan qui offre la Leaf, il y a Ford qui offre la Focus électrique. Je veux dire, il y a plus en plus d'autos qui s'en viennent. Là, il va y avoir Volkswagen. Cet été, GM va sortir la Spark électrique. Ça s'en vient, le marché va, chaque constructeur va probablement avoir une voiture électrique de disponible ou hybride branchable disponible. Puis c'est pas le temps d'enlever les rabais qui va faire que le monde va décider d'aller s'acheter une voiture électrique. Moi, je suis décidé, là, quand je vais changer ma voiture, ça va être soit une hybride branchable ou une voiture électrique. Mais j'aimerais ça avoir le droit au rabais. Même si j'attends au printemps pour l'acheter, mais si j'attends entre l'hiver et le printemps, je perds 3 000 $. Puis, je veux dire, c'est ça un peu qui va faire que le monde va peut-être être réticent. C'est, moi, ben là, j'avais 8 000, là, je suis rendu à 5 000. Ben finalement, avec le montant que l'auto me coûte, puis tout ça, ben ça vaut pas la peine. Ça coûte moins cher de rouler à l'essence. Mais c'est sur le long terme que ça vaut la peine. C'est pas nécessairement en un an que vous allez récupérer. Mais, je veux dire, ça commence à être quelque chose qui va être intéressant. Donc, comme je disais, Volkswagen qui se lance dans la voiture électrique avec la Golf. Je pense que c'est le meilleur modèle que Volkswagen pouvait décider de mettre en modèle électrique parce que, bon, c'est une petite voiture, c'est pas hyper pesant. C'est une voiture qui est populaire, les jeunes l'aiment. C'est une voiture qui a quand même un look assez incroyable, là, une Volkswagen GTI. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dit que c'est pas beau, là. Et elle est reconnue, hein, mécaniquement, fiabilité, l'histoire qui vient avec ce modèle-là. C'est ça, c'est un classique, la Volkswagen, la Golf. Donc, c'est probablement la meilleure voiture à électrifier. On s'en va avec une voiture qui va pouvoir faire environ 175 km. Bon, on s'entend, les chiffres de constructeurs, normalement, c'est peut-être trop haut. Mais si elle réussit à faire 150 km, 160 km, c'est quand même bon. On parle d'une voiture qui va avoir trois modes de conduite. Un mode normal. Le mode normal, ça va être, bon, c'est vous qui décidez à quelle vitesse vous allez, jusqu'à un maximum de 135 km/h, si je me rappelle bien. Ouais, jusqu'à un maximum de 135 km/h. Puis, vous dépensez votre électricité comme vous voulez. Si vous la mettez en mode éco, la voiture va descendre la limite de vitesse, la limite de la puissance du moteur à 95 chevaux, qui est d'habitude à 135 chevaux. Si hey, ça se peut-tu de pas lire mes affaires en avance? Surtout que j'ai lu un matin, 115 chevaux. Ouais. 115 chevaux, 270 livres, les 270 livres-pieds de couple. J'ai de la misère à soir. Donc, c'est une voiture les voitures électriques, c'est toujours ça, là. C'est comme de la puissance tout le temps à n'importe quelle vitesse sur l'autoroute. Vous écrasez, vous avez la même vitesse que si vous partez de rien, là. Parce qu'une voiture électrique, il n'y a pas de temps de réponse du moteur. Puis, il y a le mode qui appelle range, qui est le mode distance, si on le traduit, qui va, elle, descendre la limite de vitesse à 95. 95 km/h. L'autre, c'était le mode éco, c'était 120 km/h. L'autre, c'est 95 km/h, puis il va désactiver l'air climatisé. Fait que vous allez avoir peut-être un peu chaud. L'été, c'est peut-être pas le mode à choisir, mais ça va vous donner la distance maximale que vous pouvez parcourir avec votre charge sur votre batterie. Donc, ça s'en vient, ça aussi. Là, le problème à savoir, c'est est-ce que ça s'en vient au Canada? Est-ce que ça s'en vient? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent présentement. Le Salon de Genève s'en vient au début du mois de mars, donc dans une couple de semaines. On va voir plein de modèles sortir là-bas. Des fois, ça s'en vient pas ici. Il y a Mitsubishi qui s'en vient avec une nouvelle version de la Miev, la e-Miev, là, qui est une voiture qui est vendue au Canada. Elle, j'imagine que le modèle qu'ils vont montrer à Genève va traverser la petite flaque d'eau pour s'en venir de notre côté. Il y a beaucoup d'améliorations dans cette voiture-là. Il parle, je pense, d'une distance maximale de 300 km pour la e-Miev avec le nouveau système dedans. Donc, 300 km, on commence à parler, là. Ça commence à avoir pas mal d'allure. Tesla est capable de faire ça avec la Model S, même plus si vous prenez les grosses batteries. Mais là, pour une voiture qui est en bas de 40 000 $, là, ça commence à avoir de l'allure. Puis ça fait qu'à peu près n'importe qui va travailler va pouvoir prendre si je prends comme exemple la e-Miev qui a 200-300 km d'autonomie, aller au travail, revenir à la maison, la brancher, puis repartir le lendemain matin. Moi, j'attends juste une voiture qui peut me donner deux fois 54 km et peut-être un 50 km de plus pour être certain que je peux faire mon aller-retour au travail, puis un prix en bas aux alentours de 30 000 en descendant, ça serait mieux, là, t'sais, 22 000, ça serait parfait. Mais tu sais, en bas de 30 000, puis tu es en train de faire ta liste d'épicerie au fabricant? Ben non, ben regarde, c'est ça que ce qui va faire que les gens vont s'en aller vers l'auto électrique, puis on va en reparler plus la semaine prochaine parce qu'on va avoir un invité qui connaît ça comme le fond de sa poche. Ce qui va faire que les gens vont s'acheter une voiture électrique, c'est je peux-tu aller travailler puis revenir avec sans problème, sans avoir peur de rester pris sur le bord du chemin. Puis je veux pas non plus dépenser ma paye d'un mois au complet juste pour payer l'auto. Si c'est quelque chose qui est abordable, puis quelque chose qui peut faire que les gens peuvent voyager avec, aller travailler, revenir, puis même faire une couple de commissions s'ils veulent, avant de la recharger. Je veux dire, les gens vont embarquer. Je pense que la ben du monde sont comme moi, sont tannés de payer du gaz. Oui. Puis ouais. Surtout à une pièce et demie, tu sais. Oui. C'est juste ça que ça prend. Mais je comprends, développer la technologie, c'est cher, puis tout ça. Puis C'est ça un peu qui fait que comme les Tesla sont si chers que ça. Mais le président de Tesla a dit que dans le premier quart de 2013, ils vont être rentables, ils vont commencer à faire de l'argent. Quand tu commences à faire de l'argent, tu es capable de faire des voitures qui vont coûter un peu moins cher. Puis ils ont annoncé des voitures un peu moins chères. Ils ont annoncé une berline pour les prochaines années qui va être à peu près 30, entre 30 puis 40 et 50 000. On commence à parler, ça commence à être des voitures que c'est sûr que c'est pas l'étudiant qui a besoin d'une auto à 12 000-13 000 qui va pouvoir aller s'acheter ça, mais il y a une certaine partie de la population qui va pouvoir se payer ce genre de voiture-là. Puis, faut vous dire, ça va vous coûter de l'argent pour la charger, mais jamais le montant que ça coûte pour la remplir en essence. Donc, sur le long terme, ça vient quand même payant. Donc, si je reviens à la jambette que Jean-Benoît m'a donnée, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le 7 J'essayais mars. d'être fin, Luc, ok, là. Ah, c'est correct, c'est Je veux me correct. sentir utile dans ce podcast, s'il te Ça plaît. a été quand même pas si pire. Non, ça t'a bien fait de me le rappeler parce que j'étais parti. Puis j'y aurais repensé à la fin de l'émission, mais aussi bien le faire là, vu qu'on parle de voitures électriques. La prochaine émission qui va être enregistrée, si tout va bien, le 7 mars, on va avoir Sylvain Juteau sur l'émission. Ceux qui connaissent le guide de l'auto, ceux qui écoutent religieusement le guide de l'auto, ont vu Sylvain avec M. Charpentier. À un moment donné, parce que Sylvain a le site qui s'appelle Rouler électrique. Sur Twitter, vous pouvez le rejoindre à Rouler électrique aussi, à Rouler électrique. Puis Sylvain est un propriétaire d'une Volt, il est propriétaire aussi d'une Ford Focus électrique et il a amené sa Ford Focus électrique sur le mont Washington. Il y a un collant sur sa Focus électrique qui dit que cette auto a monté le mont Washington. C'est un passionné de voitures électriques. C'est un évangéliste de la voiture électrique. C'est vraiment le gars qui peut vous Il donner des propage la bonne parole. conseils. Hein? Dis Il ça encore? propage la bonne parole. Ouais, il propage la bonne nouvelle. C'est un gars qui aime ça. C'est un gars qui connaît ça. Donc, on va l'avoir sur l'émission. J'aimerais beaucoup, c'est sûr, certain, c'est facile à la radio, je veux dire, il y a les BBM, il y a beaucoup de sondages qui font que les stations savent à peu près combien de personnes les écoutent. Quand on fait un podcast, c'est vraiment difficile, on n'a pas vraiment idée combien de personnes nous écoutent. J'aimerais ça, puis c'est vous, les auditeurs qui allez décider si ça vous tente d'embarquer. J'aimerais ça que ça soit un podcast qui devienne un peu interactif. Envoyez-nous des courriels, envoyez-nous vos histoires d'auto, votre meilleure balade en auto, qu'est-ce que vous conduisez? L'aimez-vous votre voiture? Même si, je sais pas, même si c'est un Sunfire 2002 que vous adorez puis qui a jamais brisé, puis parlez-nous-en. On va prendre les meilleurs, on va peut-être on va en lire pendant le podcast. Des histoires d'auto, votre plus belle balade en voiture, c'est quoi? Vous êtes loué une Ferrari pour aller à Las Vegas ou je sais, n'importe quoi, une Mustang, une Camaro, vous avez loué ça pour votre anniversaire de mariage, peu importe. Si ça vous tente, écrivez-nous votre petite histoire. Vous pouvez pas vraiment écrire pire que moi. Je suis probablement une des pires personnes pour écrire un article. Fait que sentez-vous pas mal, c'est des fautes d'orthographe. J'y regarderai même pas. J'y verrai probablement même pas. Donc, je ne demanderai pas à ma femme de lire. Comme ça, on va être correct. On va y voir, par Je exemple, fais pas lire mes textes non plus parce que sinon, c'est trop décourageant. Mais hein? Démoralisant, ça, vive Antidote. Mais Antidote ne trouve pas tout. Donc, écrivez-nous. Si vous avez des questions sur les voitures électriques ou hybrides, envoyez-nous-les. On va les poser à Sylvain, puis Sylvain va pouvoir vous répondre. Si vous êtes sur le marché, si vous voulez savoir si, d'après lui, selon votre. Donnez-nous des détails, le kilométrage que vous faites par jour, comment vous utilisez votre voiture, puis si vous avez une question pour qu'on puisse poser la question le plus clairement possible à Sylvain, puis Sylvain va pouvoir vous dire, je sais pas, moi, pour vous, moi, je vous conseille la Focus électrique. Ou moi, je vous conseille, je sais pas moi, la IMIA, vous faites trop de distance, moi, je vous conseille la Volt, peu importe. Sylvain va pouvoir répondre à ces questions-là. Ça va être des questions un peu autres aussi sur le monde de la voiture électrique, les bornes de recharge, comment ça fonctionne. Envoyez-nous ça, juste à écrire à le podcast auto à gmail.com. ou vous pouvez tout simplement nous envoyer vos questions par Twitter à Podcast Auto. Vous pouvez me les envoyer directement aussi à Scalazormo sur Twitter. J'ai aucun problème avec ça. Envoyez-moi vos questions. On va les prendre en note, puis on va essayer d'en passer le plus possible, dépendant combien est-ce qu'on va en recevoir. Si on en reçoit une, on va la passer. Si on en reçoit 20, on va essayer de toutes les passer, parce qu'on va essayer de pas mal faire l'émission avec Sylvain, puis on va essayer de passer une émission sur les voitures électriques, puis hybrides. Quand on peut avoir un spécialiste, on va essayer de l'utiliser au maximum. Ah, il va être brûlé à la fin du show. On va vous l'épuiser, gang. On va être tout ça, là, tout le jus qu'on peut en sortir, non, pas ça. Non, mauvaise image. Ah, il va trouver ça électrisant. Donc, c'est ça. Fait que si vous avez des questions pour lui, ou comme je vous dis, si vous avez des histoires, vous voulez raconter votre meilleure histoire de balade automobile, on veut le savoir. Ça serait le fun. J'aimerais ça qu'on interagisse un peu. Même, je vais vous poser la question. Je voulais peut-être le faire par Twitter. Vous nous écoutez. Je vais vous poser la question. Si on ferait le show live sur Internet, genre Twitch TV ou Justin TV, est-ce que ça vous intéresserait? Aimeriez-vous nous entendre live dire nos niaiseries quand on enregistre, normalement c'est un jeudi sur deux? Aimeriez-vous ça que ça soit sur Internet directement? Vous pourriez nous écouter. c'est difficile, je me suis quasiment disloqué à mon choix. Vous pourriez nous écouter en faisant autre chose, puis aimeriez-vous ça, le chat en même temps, nous poser des questions live, nous faire des commentaires, genre tes poches, puis c'est ça. Tu sais, juste comme ça. Mais juste quand Jean-Benoît est là, je veux dire, à part de ça, ça serait correct. Normalement, ouais, c'est ça. Normalement, c'est bon, là, mais tu sais, là, je suis là, puis je fais des jambettes. Des fois, on en manque, tu sais. Donc, c'est ça. J'aimerais ça que ça devienne interactif, mais c'est entre vos mains. Si je veux dire, je peux pas vous forcer à nous écrire. Si ça vous intéresse pas, faites juste continuer à nous écouter. Ça va être super le fun. Si vous voulez juste nous envoyer un courriel en disant, hey, je t'écoute. Ça serait le fun aussi, ça pourrait nous donner une idée qui nous écoute. Ça serait intéressant. On fait ça. Moi, je fais le show parce que j'aime ça jaser avec les autres de voiture. Donc, c'est sûr, même si on aurait 5 auditeurs, je continuerai à le faire pareil. Mais c'est le fun de savoir qui nous écoute. Aimez-vous ça? Avez-vous des choses que vous aimeriez qu'on change, des choses que vous aimeriez qu'on parle plus? On parle du trop de voitures électriques. Moi, je suis intéressé par ça, mais est-ce que ça vous intéresse, t'sais? Des questions, si vous avez des questions sur une voiture précise, si j'ai pas la réponse, je vais aller la chercher, je vais avoir un de mes contacts chez un constructeur, je vais dire, hey, j'ai une personne qui veut savoir ça sur telle voiture, tu peux-tu me donner l'information? Ça serait super le fun d'échanger avec vous autres, mais là, je vous lance la balle, puis si ça vous tente, on est là. Donc, on va y aller avec Jean-François. Jean-François, vas-y avec ta petite chronique de cette semaine. Oui, c'est ça. Ce soir, je vais commencer par vous parler de course automobile parce que cette semaine, c'est le Speed Week à Daytona. C'est plus pour le NASCAR. Ça a commencé vendredi avec le Sprint Unlimited. Puis, je me suis comme trompé le dernier podcast parce que j'avais dit que le gagnant de cette course-là avait la pole position. Mais je me suis trompé. C'est juste une course. Il part à la queue. Et bon, je pense qu'il y aurait un record de lenteur dans cette course-là. Tout est trop bon, tu pars en arrière. Mais cette course-là était vraiment faite pour les amateurs parce que c'est eux qui décidaient du nombre de tours pendant chaque session de la course, combien de pneus échanger durant les puits. Puis aussi, cela, c'était peut-être moins intéressant, là, la couleur de l'habit de la fille qui présente le trophée à la fin. Je trouve ça un peu ordinaire, là, mais bon. C'est drôle, toi, c'est ça le bout qui est hot. Ouais. Je pense que oui, mais non, moi, j'ai mis la course. Pour un événement comme celui-là, choisir la couleur de l'habillement de la fille, c'est un peu ordinaire. J'aurais peut-être fait autre chose, peut-être. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est NASCAR. Fait que c'est ça, c'est Kevin Harvick qui a gagné. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être juste le commanditaire, ça va peut-être vous aider, c'est Budweiser son commanditaire. Okay. Fait que si la voiture est uniquement lettrée en Budweiser, ben c'est lui. Rouge et blanc. Rouge et blanc. Budweiser dessus. Exactement. Puis il y a un cup holder avec une bière dans son. Je penserais pas. Je sais que. Quand il a sorti de la voiture, il y avait une bière dans les mains. Je sais pas si c'était dans l'auto, c'est quelqu'un qui a donné. J'espère que c'est quelqu'un qui a donné, mais quand même. Puis c'est ça, toute la semaine, il y a des courses, comme dimanche, c'était la qualification pour celui qui va partir entre la pole position. Il y a eu vraiment une surprise parce que tout le monde ne pensait pas que ça allait être une femme qui allait avoir la pole position. Tout le monde disait que Danica Patrick allait être ordinaire, puis allait être dans la fin du peloton. Finalement, avec sa voiture, elle a surpris beaucoup de monde en finissant premier. Elle a gagné la pole position. Elle est sous-estimée, hein, Danica Patrick. Je sais Oui, pas ben, pourquoi. j'ai l'impression que c'est à cause de de son parcours en IndyCar qu'elle a fait pas mal d'accidents, malgré qu'elle a bien parcouru certaines courses. Comme je pense que une année au Indy 500, elle a fini, je pense, deuxième ou troisième. Je pense qu'elle a passé proche de la gagner, cette course-là, la course la plus importante de cette saison-là. Puis c'est sûr que présentement, NASCAR est quand même avec une bonne équipe, est avec Hendrick Motorsports, qui est quasiment l'équipe à battre en NASCAR. Elle a quand même une bonne voiture avec des bons commanditaires, fait que c'est sûr que ça aide aussi. Mais Mais c'est un monde de gars, hein, c'est. exactement, c'est un monde de gars. Le NASCAR, c'est un peu aussi un monde. C'est sûr, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, un monde de redneck un peu. Oh oui, ben Fait que c'est sûr que c'est pour une non, femme, c'est sûr, c'est pas mal ça. c'est ça, voir une femme conduire une voiture pour eux autres, c'est un peu. Excuse-moi, ça se fait pas, là. C'est Pour quasiment eux autres, un sacrilège. Hein. c'est ça, c'est un sacrilège. Mais. Mais pareil, quand j'étais sur Twitter pendant que c'est arrivé, puis il y avait beaucoup de femmes qui ont réagi, qui étaient contentes de cette victoire-là, parce que pour eux autres, c'est comme une victoire du ben. Quand même, la cause avance, puis peut-être qu'il y a plusieurs, peut-être des petites filles qui vont peut-être dire, ben, j'aimerais ça être un pilote automobile plus tard, tu sais, Ouais. ça peut arriver, on sait jamais. Mais moi, je Puis pense qu'elle mérite. Le seul problème, je pense qu'elle s'est pas aidée dans le temps avec ses annonces de GoDaddy. ouais, Parce mais qu'elle est ça, c'est encore son invaincue, hein, commanditaire, d'ailleurs. c'est ça, oui. Elle est Déjà encore que, invaincue. ouais, Mais déjà on la qu'on. voit moins je me rappelle les annonces de Super Bowl de GoDaddy. C'était vraiment là. C'était exploiter le fait qu'elle était une fille à l'os avec je sais pas, costume de bain ou faire semblant de se déshabiller, puis tu le quittes, puis finalement c'était d'autres choses, là. T'sais, mais Ouais, je pense que ça n'a pas aidé nécessairement son image envers certaines personnes qui disaient, regarde, elle est là juste pour être belle. ah, T'sais, ben c'est ça. puis elle est pas vraiment bonne, t'sais, elle est juste là comme pour dire, regarde, on a une fille en course automobile, puis c'est un poster, t'sais, elle est là pour être ses posters. Mais là, elle est en train de prouver qu'elle est capable de conduire une auto aussi. C'est juste peut-être la manière que sa carrière a été gérée au début, là, parce que c'est une fille, c'est une belle fille en plus. Fait qu'ils ont comme utilisé ça, puis ça a peut-être, t'sais, un peu entaché sa réputation, peut-être juste à cause de ça, là. Aussi, il y a peut-être ça aussi, là. Mais je peux peut-être dans le champ aussi. Mais en même temps, quand elle faisait ses campagnes, les IndyCars, c'était moins populaire. Je sais pas si. Parce que je trouvais que sur Twitter ou bien sur les médias sociaux, ça en parlait moins. Puis il essaie de trouver des moyens pour essayer de faire augmenter la visibilité de la série. Fait qu'ils ont essayé d'aller plus vers ça. Mais je pense qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil parce que ça n'a pas marché pantoute. Mais là, présentement, NASCAR est vraiment en train de faire un tabac sur la piste et en dehors de la piste aussi. Parce Oui. qu'un petit potin est récemment divorcé. Puis, c'est comme trouver un copain qui est un autre pilote de NASCAR. C'est Ricky Stenhouse Jr. Si vous voulez la reconnaître, son auto, c'est Best Bike, le commandite. OK. Faut pas le En fait, manquer. c'est l'auto qui rentre tout le temps dans celle de Danica. Ça, je me demande, je me dis, parce que aujourd'hui, il y avait deux courses. Ils appellent ça le Budweiser Duel. C'est deux courses de à peu près de 125 000. Sauf qu'ils n'ont pas été, ont été dans, ils ont été dans chaque course, ils n'ont pas été dans la même course. Je me demande qu'est-ce qui va arriver quand que ces deux voitures-là vont se toucher et puis qu'il y en a un qui va causer un accident. Ah, ben, Ça va être. tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des échanges de peinture. Ça va être Ouais. des étincelles et les médias vont se régaler quand ça va arriver. Ça va être un beau, pas un fiasco, un fiasco pour eux, mais ça va être, les médias vont se régaler de ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais ça dépend toujours, je veux dire. Il y a des gens qui sont capables de faire la différence entre la vie professionnelle puis la vie amoureuse ou Je l'espère. la vie personnelle. Ça Parce va être que de voir si ça va arriver pour eux autres. ça joue quand même assez dur en NASCAR, là. Même Oui. s'ils sont chums, là, des fois, là, ça peut. Les coups se donnent. Des coups de poing qui se donnent, des poussées, puis des insultes. Oh, ça peut aller vraiment assez loin, là. Ben, on verra. On verra ce que ça donnera. Ouais. Je le souhaite que ça aille bien autant côté course que côté en dehors de la piste, là, mais Je le regarde, souhaite aussi, ça, c'est sûr. Malgré qu'on est avec deux bonnes écuries aussi en plus, fait que on va sûrement les voir assez souvent en avant du peloton, ces deux voitures-là, pendant la saison cette année. Aujourd'hui, ben, durant la journée, il y avait deux courses. La première, c'est comment ça se déroulait? C'est que c'était à peu près une vingtaine de 23 véhicules à chaque vague. Cette course-là déterminait le rang où la voiture partait pour la course. Sauf que chaque course, c'était, par exemple, la première course, c'était pour ceux qui sont à l'extérieur de la piste, la rangée à l'extérieur. Puis la deuxième course, c'était ceux qui étaient à l'intérieur de la piste, plus du côté droit, puis l'autre, puis là, du côté gauche. Puis c'est ça. Fait que c'était à peu près 22 voitures qui faisaient à peu près une soixantaine de tours de piste. Puis c'est ça, la première course, ben c'est Kevin Harvick qui l'a gagné encore. Disons qu'il est en train de se faire. Il est en train de devenir un joueur assez dominant cette saison. Je pense qu'il va être à surveiller là, cette année avec sa voiture. Puis la deuxième vague. Ça a été serré. Puis c'est finalement, ben je pense que c'est la voiture préférée des enfants parce qu'elle est commencée par M&M, celle qui a gagné. C'est Kyle Busch qui a gagné la deuxième course là, pour cette course-là. Ce qui veut dire que le dimanche dernier, à la qualification, la première position d'Annika Patrick, puis la deuxième, eux sont à la première ligne de départ. Puis les deux gagnants de cette course-là sont dans la deuxième ligne de départ. Fait que c'est comme la troisième et la quatrième position là, qui se battaient là. Fait que c'est ça. Fait que ça risque d'être assez serré. J'ai hâte de voir dimanche qu'est-ce qui va arriver avec Danica, si elle va connaître une bonne course ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui disaient aujourd'hui, parce que Danica participait pareil à la première course, pareil, vu que même si elle gagnait pole position, elle s'essayait pareil. Elle était obligée d'y participer. Ah, pas le choix. Il y en a beaucoup qui disaient, ben, je suis sûr qu'elle ne sera pas au premier tour, mais ouais, pas le choix. Mais il y en a qui disaient, ben, elle ne gagnera pas cette course-là, elle ne sera pas dans les premiers, mais elle avait pas vraiment. Son objectif, c'était pas vraiment de gagner cette course-là, vu qu'elle était déjà qualifiée puis elle était déjà la pole position. Le but vraiment pour elle, c'était juste de tester sa voiture puis elle s'est pas essayé de faire un accident comme qu'il y a eu dans la première course. Il y a eu un accident qui a vraiment causé du trouble pour certains pilotes. C'est sûr qu'il y en a qui ont été qualifiés à cause de cet accident-là. Fait que eux, c'est qu'ils retournent en garage puis ils s'en vont chez eux pour la prochaine course, dans la semaine prochaine. Mais c'est ça. Vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment ceux qu'on choisit. C'était vraiment ceux qui participaient à la course ou ceux qui n'étaient pas qualifiés à la course, là, qui coursaient à la course. Là. OK. Là, tout le monde se retrouve, c'est quand? C'est dimanche? Dimanche, pour le sprint, la série sprint. Mais si jamais vous avez Speed ou TSN, déjà demain, ça commence à 11 h du matin, c'est les pratiques pour toutes les séries Nationwide, les camions, puis la série Sprint. Puis à 7 h 30 demain soir, vendredi, c'est la course des camions. Ouais. C'est juste une course assez spectaculaire vu qu'ils vont quand même assez vite, puis. Disons, les camions, ils ne gênent pas pour se rentrer dedans, là. C'est vraiment, là, c'est quasiment un derby de démolition, là. Ça C'est joue à assez spectaculaire. poussette. Oh, assez fort, oui. C'est assez spectaculaire à voir. Des fois, je me dis que le spectacle est même meilleur que les autres séries, il y a des fois, là. Ouais. Puis c'est quoi samedi, c'est Nationwide, puis dimanche, c'est Sprint? Exactement, oui, c'est ça. Fait qu'il y en a pour toute la fin de semaine, là, de la course, là. Ah, peut-être regarder ça samedi. Les Mustangs courent en Nationwide. OK, bon. Fait que ça va être une raison d'écouter. Puis moi, c'est sûr, je vais essayer de l'écouter le plus possible, là. Même si j'ai pas Spiel à la maison, je peux me connecter sur Internet puis l'écouter. Il n'y aura pas de problème. Je vais essayer de l'écouter le plus possible. Puis c'est ça, cette saison, c'est sûr que à Montréal, il n'y a pas de course. Mais au Canada, il y en a une pareille. C'est les camions qui viennent à Mosport. OK. Ouais, cette année, au mois de septembre. Fait que là, je sais que le nom de la piste a changé. C'est plus Mosport, c'est rendu Canadian Tire Motorsport Park. Je trouve le nom assez ordinaire, mais c'est Mosport, là. Ceux qui connaissent le monde de la course automobile, là, vont reconnaître ce circuit-là. OK. Ouais. Fait que j'ai bien hâte à dimanche. Ça risque d'être assez spectaculaire. Puis sur ceux qui vont, comme diraient ceux qui connaissent le NASCAR, le Big One, tout le monde attend ce moment-là. Le Big One, c'est vraiment le gros accident qui arrive tout le temps dans les Super Speedway comme Daytona. C'est sûr qu'il y en a chaque année, là, à peu près la moitié des véhicules sont impliqués dans cet accident-là. Puis les fans aiment bien ça quand ça arrive. Et il va rester deux en piste, Danica Patrick puis son chum. Exactement. Voilà. Ce serait un excellent show, je pense que ça arriverait. Qu'est-ce qui va finir premier puis deuxième? Est-ce que son chum est galant? Est-ce que c'est un homme rose? On va le savoir. On va le savoir exactement. Je sais qu'il a l'air bien cowboy avec son chapeau de cowboy, mais je ne sais pas s'il serait tout seul avec Danica, s'il serait galant ou pas. Ça serait à savoir. Ou si elle sortirait dans le champ pour être sûre de gagner. bébé, on s'en reverra. Je pense qu'elle le ferait en plus, je pense. Elle a l'air assez combattante pour ça, je pense qu'elle le ferait. Elle sortirait. Ouais, je pense que oui. On se reverra à la maison. Dans l'autobus, puis. Mais je pense qu'elle le ferait. Ah, ça se peut. Ouais, elle a Ouais. l'air assez combative pour le faire. Ouais, ils ont l'esprit de compétition, ce monde-là. Fait Ça, que c'est sûr. c'est comme, oh, oui, La semaine d'après, dans le journal, dans le courrier de Louise, ouais, mon chum, je l'ai mis en dehors de la course. Je ne sais pas si ça va bien passer dans mon couple, mais que dois-je faire? Que devrais-je lui acheter pour me racheter? Et je pense que les médias vont en parler bien avant que c'est dans le courrier de Louise. Là, ça va faire un drame monumental si ça arrive. Fait que. Ne sous-estime pas Louise de Châtelet, OK? Croyez-vous que si je lui achète le nouvel iPad, il va être heureux? Il va Vraiment? oublier le fait que je l'ai sorti de piste devant 50 millions de téléspectateurs? Mais faut À pas oublier Daytona. comment c'était le Best Buy aussi, faut pas oublier ça. Fait que l'iPad doit sûrement avoir ça. Il doit avoir des rabais sûrement avec ça. Fait que je pense que ça ne marche peut-être pas, Il doit ça. déjà en avoir 6. Fait que c'est ce qui conclut ma chronique. Je vais peut-être parler un petit peu de nouvelle techno, mais je pense qu'on va peut-être manquer un petit peu de temps, là. Puis je vais Bon. laisser un peu de la place à Jean-Benoît aussi. Ah, ben, c'est Au pas obligé, là. pneu de secours. Non, Laissez-moi du chaud. on va passer à travers. Tu avais un article que tu as vu, Jean-Benoît, qui était les 10 plus beaux designs de voitures. On va prendre les 5 plus beaux, mettons. Ça marche-tu? Ouais, on peut y aller avec ça. De toute façon, on va inviter les auditeurs à aller chercher sur le web en tapant les noms des véhicules pour pouvoir les voir. Parce que c'est bien dur à décrire. On débute bien sûr ce top 5 avec une Ferrari, la toute nouvelle F12 Berlinetta 2013, qui Oui. simplement a coupé le souffle dans le fameux rouge Ferrari. Assez Et magnifique, oui. elle est croquable. C'est pour l'instant la voiture la plus puissante que Ferrari a construite. Ouais. J'ai dit pour l'instant parce que la remplaçante de la Ferrari Enzo s'en vient bientôt. Anyway, sky is the limit avec Ferrari, fait qu'ils vont toujours réussir, je pense, à trouver Sky's the limit façon. quand que ça brûle pas sur le bord du chemin. Voilà. Après ça, on poursuit avec Aston Martin, avec la Vanquish 2013. C'est un style plus classique, mais elle a tout simplement de la gueule. Elle est très, très jolie aussi. Ça, c'est en position numéro 4. Numéro 3, on retrouve la Fisker Karma 2012. Ça, c'est une voiture qui est en nombre très, très limité, là, vendue sur la planète. Tu passes une commande spéciale pour que ça soit pour qu'on te la vende. Ouais, mais là, il n'y a plus de commande spéciale qui se passe pour tout de suite. En Ils n'ont plus. pas construit de Fisker Karma depuis au moins 6 mois. Voilà. Sont en problème financier assez assez sérieux. Ils ont besoin d'aide. Oui, ils ont besoin d'aide. Oui. Audi avec sa R8 V10 plus 2013, c'est un design qui est classique pour ce qui est de la R8, mais elle est toujours aussi jolie. On réussit chaque année à revamper un petit peu le design pour le ramener toujours, le maintenir au goût du jour. Et elle est tout simplement adorable. C'est la numéro 2. Et en première position, On y va avec tout simplement avec la BMW M6 Grand Coupé 2014. C'est encore là, ça va être à produire, elle n'est pas encore sur le marché, mais ça va s'en venir au courant de l'année. Elle aussi, très très jolie. Donc c'est ça, on invite les gens à aller chercher ça via leur engin de recherche favori sur le web pour pouvoir aller voir les photos des véhicules en question. C'est un article que tu as vu sur Autonet, hein, je me rappelle Oui, bien. exactement, autonet.ca, vous pouvez taper là, top 10 voitures Autonet et dans Google, on va vous sortir ça sans faute. Bon, ben c'est parfait. Merci, Jean-Benoît. C'est ma mince contribution. Ben C'était ça. c'est correct comme pneu de secours. T'as fait une belle job. Voilà. Donc, on va terminer l'émission numéro 8 là-dessus. Comme je disais tantôt, si vous voulez nous écrire des questions pour Sylvain Juteau pour la prochaine émission, allez-y. Ça va nous faire plaisir de poser vos questions à Sylvain. Poser les questions à Sylvain de votre part. Si vous avez d'autres choses, des commentaires, comme je disais, des histoires d'automobile, des choses comme ça, allez-y. Ça va être intéressant. S'il y en a qu'on trouve super le fun, on va les lire en onde. Celle qu'on trouve plate, ben non. Non, on va les lire, ceux qui sont intéressantes, qu'on pense que ça pourrait être intéressant ou drôle ou peu importe, ou touchant, on va lire ça en onde. Si on en reçoit beaucoup, c'est pas parce qu'elle est pas intéressante qu'on lit pas la vôtre, ça va peut-être être parce qu'on va en avoir trop, mais on va s'en garder, puis on va essayer d'en lire le plus possible, une ou deux par émission si on a le temps, des choses comme ça. Donc, si vous voulez voir toutes les choses qui ont rapport au podcast auto, allez sur notre nouveau site internet. Ben nouveau, il était là la dernière fois, me semble. Mais allez sur le www.podcastauto.ca. On commence tranquillement à mettre du stock dessus. De temps en temps, je vais poster un article qui est intéressant. J'ai posté cette semaine une vidéo qui vient du National Geographic en Europe. Ils sont venus au Michigan, puis ils ont fait vraiment le tour de l'usine où la Ford Mustang est construite. Donc, on voit ce que moi j'ai vu quand j'ai été avec Ford à Détroit pour le F-150. On voit ça pour la Mustang, comment c'est construit, les panneaux, comment ils font les panneaux de porte, le capot, puis tout ça, comment c'est monté, la chaîne de montage, on voit vraiment tout. C'est une vidéo qui dure 45 minutes, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Si ça vous tente d'aller voir ça, vous pouvez voir ça sur la page principale du site. Vous pouvez trouver les podcasts, les anciennes émissions du podcast dessus, toutes les chroniques que je fais avec mon pneu de secours les jeudis matin sur CILMF. Je parle du pneu de secours, c'est Jean-Benoît, c'est mon ami Jean-Benoît. Puis aussi c'est les. C'est fun, tu me considères encore comme un ami. Ben pour tout de suite, on verra plus tard. Puis toutes les vidéos aussi que j'ai fait l'année passée pour le podcast auto, donc toutes les 6 essais routiers qu'on a fait. Merci beaucoup pour ceux qui ont pris le temps d'aller voir les essais routiers. Je suis quand même assez impressionné de voir les chiffres du nombre de gens qui ont été voir la vidéo. C'est sûr que c'est pas tous des gens qui viennent du podcast sur YouTube. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais si je regarde la vidéo de la Jeep, a ramassé 4098 vues. La Chevrolet Volt, 790. La Mazda, 202. Le Ford Escape, 909. La Mustang, 1125. Puis j'avais fait un essai de faire une vidéo en anglais pour la Mustang aussi, qui a ramassé 3807 vues. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant de voir que, je veux dire, les gens vont voir ça. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps d'aller voir les vidéos. Il devrait en avoir des nouvelles cette année. Je devrais faire des nouveaux essais routiers. J'imagine à partir début avril, on va attendre que la neige fonde, là, parce que vu que je fais ça à l'extérieur, faire ça dans 3-4 pieds de neige, c'est comme plus ou moins intéressant, c'est assez ordinaire. Donc, ça devrait commencer probablement fin mars, début avril. Donc, si ça vous tente d'aller visiter le site, allez-y, www.podcastauto.ca. Donc, merci messieurs d'avoir été là pour une autre émission. La prochaine va être, comme je disais tantôt, le 7 mars. On va avoir Sylvain Juteau avec nous. Et puis, on va jaser de voitures électriques. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.